Position and bend down. Me a say and bend down. I can't pass it bend down. Hands on the and bend down. Ça pète les nifes. Sinon mou rivé en soirée tout seul c'est en ex. Papa les l'année passe moi même qu'à flex. Canal fest ni caca en multiplex. Si ou tchèbe mou non, madame mou kavex. Ou ni chance, ni manigance. Même les ou monté en France. Relation à distance. Pour faire quoi? Non trop fragile, pouvant en gros caca. Ou en l'écho, déclencher la bête. Devant la bête, nous qu'à trapper mal tête. Nous qu'à faire la fête. Ça clair et net. Les ou gardé, ni caca au kilomètre. Position and then down, me a te and then down. I can't pat say ben down. Hands on the and ben down. Position and then down, me a te and then down. I can't pat say ben down. Hands on the and ben down. Mon charité, il capri, nous en mouvement, mauvais temps, même les vacances finies. Cabonagé, c'est ça qui nie. Nous en mode G, passe la red qui t'ai bâti. Nous pas mettre ça en l'air. Holiday, holiday, ça carité une dé. Ça en l'air. Holiday, holiday, ça carité une dé. Position and then down, mais à te and then down. I can't pass it ben down. Hands on the and then. Position and bend down. Me at the and bend down.